Toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne 94 MHz. Ça, c'est pour le direct en hertzien à partir de 21h30 et des brouettes, ou à partir du blog asile35.blogspot.fr. Bienvenue pour votre programme de nouveautés de Traviol, qui démarre avec un groupe qui passe à Rennes cette semaine. Il s'agit des fameux De La Cave, le projet de Seb Normal et Lily Pourri. Liliane Duverger et Sébastien Pierre-Jean, de leur vrai nom, ça tue un peu le mythe. Et donc De La Cave, qui seront au Terminus ce jeudi 13 avril, invités par notre camarade Jean-Louis de l'asso Musique Alambic. Et puis, comme de juste, on va attaquer avec le tout dernier en date de La Cave, c'est-à-dire leur deuxième album long à ce jour, qui est sorti en début d'année sur le label parisien Teenage Menopause Records, sous le titre à rallonge If I Am Overthinking, Talk About Anything, Any Damned Thing. Voilà donc les De La Cave en concert ce jeudi 13, avec aussi Monsieur Usé également, donc tout ça au Terminus à partir de 20h. On écoute un extrait de cet album de La Cave, le morceau qui s'intitule I Can Do. I cannot do. manière de commencer l'asile de cette semaine de manière un peu épique avec tout d'abord le Noise Cold Wave de De La Cave, extrait de leur tout nouvel album qui vient de sortir sur étiquette Teenage Menopause, If I Am Over Thinking, trois petits points, qui seront donc à Rennes cette semaine pour la soirée musicale Ambique. Ce sera ce jeudi 13 à partir de 20h au Terminus rue de Riaval, et Musique Alambique qui sera assez actif pour la chasse aux œufs de Pâques, puisqu'il y aura une autre soirée la semaine prochaine qui risque d'être assez furieuse également, avec le grand retour de Hypercult ainsi que toujours l'été, donc une soirée très très bien sentie vu les chaleurs entêtantes qui démarrent. Donc ce sera aussi le jeudi mais 20 avril cette fois-ci pour le duo entre Vincent Berthollet et Simone Aubert, et Vincent Berthollet bien évidemment à la contrebasse de l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp, et Toujours l'été qui est le projet de la musicienne de 178 degrés, donc tout ça pour 5 euros. Et le mois prochain, là ce sera vraiment l'été avec France Sauvage et Pédiluve Banquise qui eux sont de Villefranche sur Rouergue, et ça sera une soirée le 12 mai au Marquis de Sade, et également une autre soirée au Terminus avec Cellular Chaos, le retour du batteur fou de New York, ainsi que Sans Contact. Mais on aura l'occasion de vous reparler de tout ça. Donc voilà pour De La Cave, qui était enchaîné avec une formation de Bruxelles assez improbable qui répond au nom très bien senti de Babils ou Babil, et qui produit son premier disque, on pourrait dire presque officiel, en tout cas entre nos oreilles, sur étiquette Sub Rosa, à la fois en CD vinyle et aussi en cassette. Mais ils ont déjà produit trois albums avant celui-ci, ce sextet plutôt de kraut psych, un petit peu dans le registre aussi de ce que peut faire par exemple l'ex-chanteur de Cannes, par exemple avec ses trans hypnotiques en yaourt, monsieur Damo Suzuki et ses différents networks. Et puis des textes assez bizarres comme cette histoire de la cigale et de la fourmi sur ce LP donc de Babil, qui répond au nom de G. Amito, avec deux voire trois très longues pièces sur ce premier album de Sub Rosa. Voilà, et ça continue d'ailleurs derrière votre serviteur. On va enchaîner avec du folk, cette fois-ci du folk de New York, et une musicienne chanteuse également multi-praticienne, puisqu'elle est aussi photographe et également écrivaine, qui vit à Brooklyn. Il s'agit de Scout Paré Phillips, qui est une chanteuse qu'on découvre avec ce deuxième album sous le titre Door Left Open, sous étiquette Days Records, ce qui est assez inhabituel pour la marque de New York, qui nous avait plutôt habitué à du noise industriel avec pas mal de rééditions de choses vraiment très très tordues de la fin des années 70, début des années 80. Quant à Scout Paré Phillips, c'est une musique qui nous fait penser à une sorte de croisement entre ce que pouvait faire Miss Josephine Foster de l'époque A Wolf in Sheep's Clothing, ou autre folk un peu de traverse à la Trembling Bells, le projet d'Alex Nelson. Donc c'est vraiment très très bon. Elle joue elle-même de la guitare et de l'auto-harpe, accompagnée par un camarade qui fait de la batterie et de l'électronique. Je propose de découvrir sa musique avec cet extrait, ce titre éponyme donc de l'album, le morceau Door Left Open. On écoute Scout Paré Phillips. Sorrow, he said. Une séquence à cordes et à cris dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec les trémolos de la voix de Scoot Paré Phillips. Et ce disque d'or Left Open publié par Days Records. Alors c'est vraiment assez magnifique, une voix qui tend presque vers les octaves de Diamant Dagalas, cette chanteuse et aussi guitariste joueuse d'auto-harpe. Alors les photos qu'elle produit sont assez gothiques. D'ambiance un petit peu bizarroïde c'est la fille d'un musicien de country folk américain, donc elle a été élevée sans doute dans la pure tradition de ses musiques. On n'écoute pas réellement souvent ce genre de choses dans l'asile, mais quand c'est joué de manière aussi enthousiasmante que ce disque d'or Left Open, on ne peut que défaillir. Et j'ai pas écouté du tout son premier opus qui était sorti il y a de ça 2 ans sous la même marque Days, sous le titre Hit the Call. Apparemment, je crois qu'elle a eu des pépins de santé en tournée, elle a dû avoir une attaque ou quelque chose comme ça, donc elle n'a pas pu défendre vraiment ce disque en concert. Et elle revient donc avec ce deuxième album sous le nom d'Or Left Open, et on a enchaîné avec une musique nettement plus horizontal, et il s'agissait bien évidemment de monsieur Arnold Dreblatt et son orchestre de cordes excitées, The Orchestra of Excited Strings, qu'il a fondé à la fin des années 70 à New York, à l'époque où il était encore aux États-Unis. Depuis, il a migré en Allemagne, notamment pour poursuivre aussi une carrière de plasticien. Et régulièrement, des labels s'intéressent à la musique qu'il a pu produire. Il a assez peu produit, à vrai dire, cet homme-là, dans les années 80, uniquement 2 albums, Nodal Excitation, qui avait été réédité par Drag City, si je ne m'abuse, et ce second disque, Propellers in Love, qui était sorti plutôt en catimini, sur des labels liés à des galeries d'art, et qui était sorti en 1986. Non, il y avait aussi une édition un peu plus large sur le label suisse Hat Hut. Et donc ce disque va revoir le jour au début du mois de mai grâce au label californien de réédition en tout genre Supérieur Viaduct. Et Arnold Dreblatt, c'est dans un peu une sorte de second couteau des musiques minimalistes répétitives, plutôt d'obédience, un peu rock et musique répétitive des Appalaches, façon peut-être Rhys Chatham, Glenn Branca, également Hélène Fulman et autres Charlemagne Palestine. Ça tend aussi parfois un petit peu vers des musiques un peu du monde dans les harmoniques de ces cordes jouées de manière très très très répétitive pour les différents projets de Arnold Dreblatt, qui a donc un petit paquet de gens qui tournent autour de ce Orchestra of Excited Strings. Il y a eu notamment le percussionniste Pierre Berthet qui a participé à ces différents projets, également des gens du Bangan Okan, Evan Zipporin, et puis pas mal d'autres beaucoup moins connus. Et donc on s'était intéressé pas mal à lui, notamment avec les disques qui étaient sortis sur Tzadik, Important, également Northern Spy, aux côtés de Mégaphone, et deux très belles compilations en vinyle qu'on s'était procuré aussi vers 2013-2015, la première sous le nom de Choice, et puis une seconde Selection qui était sortie grâce au label Black Truffle de monsieur Oren Ambarchi, très très beau double album avec des pièces un peu historiques, donc du début des années 80, qui n'était pas paru à ce jour. Et quant à ce Propellers in Love, il a été sans doute très très peu écouté aussi, donc c'est plutôt une très belle occasion de découvrir la musique de Arnold Dreblatt que cette réédition aux éditions supérieures Viaducte que vous devriez pouvoir vous procurer dans toutes les bonnes crèmeries. Voilà, on va écouter un duo qu'on a aussi eu l'occasion d'entendre sur les ondes de l'Asile le plus sûr. Il s'agit du projet entre Mr. Blixa Bargeld, porte-voix d'Ansturzen de Neubotten et ex-guitariste des Bad Seeds de Nick Cave, qui est en compagnie de Théo Théardo avec ce duo qu'ils ont depuis 3-4 ans. Il y avait eu quelques disques, notamment Still Smiling, aux côtés aussi du Balanescu Quartet, qui était vraiment très très brillant. Une musique toujours assez incroyable entre post-gothique et néoclassicisme de manière assez sublime. Et ils reviennent ensemble avec un EP, toujours sur la propre marque de Monsieur Théardo, Specula Records. Donc 4 pièces avec la collaboration de gens très très intéressants comme David Coulter, qui joue de la scie musicale sur la reprise de Neil Young, Hey Hey My My. Mais là, je vous propose d'écouter non pas ce titre, mais peut-être celui qui me plaît le plus de ce maxi Fall de Blixa Bargeld et Théo Théardo. Le morceau s'intitule Testostérone Sklaven. L'interminabile corteo dei carcerati attraverso il tempo, tramite la miseria, attraverso le periferie. Dall'inizio fin tanto, uno dopo l'altro, si tengono a qualcosa che prima li precedeva, a colui che sta davanti, agli antenati, sono solo dei carcerati. Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone, colpire, sparare, bruciare, stracciare. Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone, uno contro tutti, tutti contro tutti. Testosterone, sclavi, schiavi del testosterone, colpire, sparare, bruciare, stracciare. Zug der Gefangenen durch die Zeit, durchs Elend, durch die Vorstädte. Einer nach dem anderen. Halten sich an etwas fest, das ihnen mal voranging, an ihrem Vordermann, den Altvorderen, alle nur Gefangene, die Spirale dreht sich immer enger, bis ins Zentrum, aber da ist nichts als ein Loch, das alle verschluckt. testosterone, sklaven, schiavi del testosterone, metzen, morden, meuchen, töten. Testosterone, sklaven, schiavi del testosterone, metzen, morden, meuchen, töten. Ciò nonostante non passa, testosterone, sklaven, schiavi del testosterone, metzen, morden, meuchen, töten. Ciò nonostante non passa, massacrare, schiavi, schiavi del testosterone, metzen, morden, meuchen, töten. Ciò nonostante non passa, À l'instant, dans le plus sûr sur antenne du 94 MHz, une séquence fleuve comme à notre habitude, mais que voulez-vous, c'est quand même pas notre faute si les musiciens qu'on vous propose ne savent pas faire court. Et on a démarré avec Théo Théardot en compagnie de Blixa Bargeld, toujours assez somptueux sur ce EP Fall, avec les compositions, les propres compositions de Théo Théardot qui s'est très très bien recyclé depuis qu'il a commencé dans le rock plutôt noise, aussi un peu metal gothique dans les années 80-90. Lui qui a collaboré notamment aux côtés de Mikaris, de Scorn, également de Lydia Lunch. Il y a aussi pas mal d'autres gens avec lesquels il s'acoquine. Je pense notamment à monsieur Jim Sorlwell alias Fuetus. Et donc ce EP qui est un peu une récidive pour le duo qui nous a habitués à peu près à ce genre de qualité sonore depuis 3-4 ans. Et donc ce nouveau maxi sous le nom de Fall avec ses 4 titres qui étaient enchaînés avec le retour de la Natural Information Society de Mr. Joshua Abrams et un très très beau disque là encore sous étiquette Eremite sous le très bon titre de Simultonality, le Natural Information Society qu'on avait notamment découvert avec le disque qu'ils avaient fait paraître également aux éditions Eremite, c'était je crois en 2015, très très beau disque, ce Magnetoception, voilà je ne trouvais plus le morceau, le titre de ce double album, également un disque en compagnie de Bishin Baras, c'était sorti également, c'était sorti sur Drag City Automaginary. Et donc Joshua Abrams qui est un contrebassiste à la basse qui a joué avec à peu près tout ce qui bouge dans le domaine du jazz contemporain depuis une bonne quinzaine d'années. Il est principalement basé à Chicago et il a sorti notamment des disques aux éditions Delmark, pas mal de choses aux côtés de Dave Rampage et de à peu près tout le jazz contemporain américain. Et depuis quelques années, il donc se produit en compagnie de ce projet avec sa compagne qui joue du gong, également de l'harmonium, Lisa Alvaro, puis pas mal de musiciens qui se raccrochent à ce vaisseau. Notamment pour ce disque, on y retrouve le batteur Franck Rosalie, qui est un autre compatriote de Chicago avec lequel il joue régulièrement, qui fait des percussions très très inventives. Et Joshua Abrams, lui, est comme toujours au Gembri, la fameuse basse des Gnawa, et puis pas mal de gens sur ce disque, notamment le guitariste Emmett Kelly. Il y a aussi sur un des titres Harry Brown, qu'on a connu pour des disques aux éditions Delmark, de ce saxophoniste assez méconnu. Donc c'est un peu tout un univers sonore de la scène de Chicago au sein de cette Natural Information Society qui joue plutôt une musique du monde nouvelle et très très inspirée également par la fameuse Organic Music Society de Don Cherry qu'il avait fondée dans les années 70 aux côtés de sa compagne Moki. Donc c'est vraiment dans le prolongement de ce genre de choses, une sorte de musique du quatrième monde un peu cosmique sur les bords, et c'est vraiment excellentissime ce Joshua Abrams et Natural Information Society et ce disque Simultonality. Et donc comme cette émission était évidemment très très très très organisée, je propose d'enchaîner avec un nouvel opus de Don Cherry, nouvel opus évidemment. Don Cherry nous a quitté il y a de ça une bonne vingtaine d'années, monsieur Donald Eugène Cherry et sa trompette de poche, mais Mais il est de retour en ce printemps avec une édition, une bande originale d'un film expérimental filmé à la fin des années 60, en 1969, très très exactement. Il s'était accoquiné avec pas mal de gens des scènes un peu fluxus, les tristes. C'était aussi le psychédélisme qui battait pavillon à l'époque à Paris, ainsi que la libération sexuelle. Et à l'époque, il était atterri à Paris vers 1967. Il avait joué notamment avec Albert Ayler, également aux côtés de quantité de musiciens tels que Ornette Coleman. Et il avait posé ses bagages du côté du Chat qui pêche vers 1967 et rencontré pas mal des musiciens de la scène française, notamment Jacques Tolo, également Henri Texier. Et puis il avait rencontré donc ce couple de cinéastes expérimentaux assez méconnus, Jean-Noël Delmar et Nathalie Perret, qui avaient enregistré, filmé Don Cherry à l'époque, avec également Anthony Braxton d'ailleurs, qui fait une petite apparition sur cette musique de film, ainsi que Karl Berger, le pianiste vibraphoniste. Et cette musique de film revoit le jour grâce aux éditions Cacophonique, qui est la subdivision de l'excellent Finder Keepers Records. Ils avaient déjà sorti, je crois, un 45 tours également de la musique de Don Cherry à l'époque où il faisait aussi des pouettes-pouettes et des compositions pour illustrer les films du cinéaste de vampire érotica Jean Rollin. Voilà, et donc ça aux côtés de François Tusque. Et donc cette musique de Don Cherry ressort aux éditions Cacophonique. Le film d'ailleurs est visible sur YouTube. Je posterai un lien à partir du blog de l'Asile. Ça ressort sous le titre Music Wisdom Love, cette musique un petit peu bizarre de Don Cherry. Drôle de musique de film, mais c'est un drôle de film également. Il y a une séquence un peu psychédélique, ça fait un peu penser à une sorte d'Égyptien perdu dans les mondes modernes pendant une partie du film. Et puis on retrouve après Don Cherry dans la forêt en train d'apprendre de la flûte à monsieur Anthony Braxton. Voilà, et donc on écoute un extrait de la partie 2 de cette musique de film avec aussi des spoken words. On écoute Don Cherry sur l'antenne du 94 MHz. Thank you. always kept moving. He can be slayed when the dragon is invincible. His body gets hot, so you can see, feel him by the heat waves. Defense, life or death, balance, feet gripping the earth, just one wrong move, etc. The dragon is part fox and part cat snake. He is quick, swift, patient, and strong. He can be visible plus invisible. One by one, it was time for me to fly out. Peace, peace, peace. The last dragon pleaded for his life. I asked the spirit. We waited for the answer in silence. Finally came. Look, you can read it yourself. There shall be no more killing. Peace. Peace. Thank you. Thank you. séquence pour le décollage à la verticale dans le cosmos, direct dans le cosmos, dans les îles Pussures, avec tout d'abord Don Cherry et ce Music Wisdom Love 1969, publié par les bons offices du label britannique Cacophonique, qu'on a enchaîné avec un tout nouvel opus de monsieur Raphaël Toral, le guitariste électroacousticien portugais qui est de retour sur étiquette Stop Gold avec un dernier épisode de sa série Space. Cette fois-ci, c'est le Space Solo Number 2. Il avait déjà sorti pas mal de disques sous le titre Space Elements, notamment chez Marcus Detmers et son label Stop Gold également. Et donc voilà, plutôt des séquences de boucles de synthé analogique triturée assez étrange. Et on a terminé avec, ou on termine avec Sylvain Courtroux et son disque À notre tour d'en sortir, publié par l'étiquette Caverne Brou, qui est un drôle de disque, et c'est aussi un drôle de musicien, pas vraiment un musicien d'ailleurs, je pense que c'est plutôt un plasticien performeur, également poète sonore, que ce Sylvain Courtroux, qui s'est fendu donc d'un disque ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. C'est un très très beau disque en fait, sur des modules de synthé analogique qu'il a repris avec pas mal de logiciels son. Et ce disque À notre tour d'en sortir est vraiment très très réussi. Il est écoutable aussi à partir du net label CBR, originaire de la ville de Palo en Sardaigne. C'est donc un disque très très recommandable pour ce monsieur qui habite Limoges et qui publie d'ailleurs des vidéos de performances assez hilarantes où il montre comment passer l'aspirateur ou nettoyer les crottes de son chat. Voilà, on va terminer avec, quasiment terminer avec une avant-dernière séquence et la musique de Lynn Left, le grand retour de The X Guitar avec Ken Vandermark au saxophone et Paul Nissenlove à la batterie, avec un tout nouvel opus I Forgot to Breathe qui va sortir début mai. Ils avaient déjà sorti ensemble pas mal de choses. On les avait laissés sur le live au Area Sismica qui était sorti en 2014 sous étiquette Unsounds, sorti pas mal de choses sur le propre label d'Andy Moore, l'un des deux guitaristes de The X. L'autre, c'est bien évidemment Terry Essels. Et donc, Paul Nissenlove et Ken Vandermark. On écoute un extrait de ce I Forgot to Breathe. Alors, c'est pas encore sorti, ça s'annonce vraiment très très bon, ce disque. On écoute un titre en preview et le morceau Coastal Surface. Yeah! Et voilà une belle manière de conclure l'asile avec les pimpons de l'excellent saxophoniste Roscoe Mitchell de l'ex Art Ensemble of Chicago avec son son reconnaissable entre mille en compagnie du trio new-yorkais Youganaut rencontré pour des disques aux éditions ESP ces dernières années. Et c'est un nouvel opus qu'ils viennent de faire paraître ensemble sous le titre Four Ways sur étiquette Nessa Records, qui est la marque amirale de l'Art Ensemble of Chicago depuis les années 60 et des différents projets de ses membres. Et ça a été enregistré à l'Université du Michigan les 16 et 17 octobre 2009. Voilà, vous savez quasiment tout. Il me reste à vous rappeler que cette émission est entièrement réécoutable, podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. La semaine prochaine, émission non pas spécial pack, mais encore un programme de nouveautés et de surprises sonores comme à notre habitude. Je vous laisse aussi en compagnie de l'émission Zion Highway. On se quitte avec le Zazou sur la piste de vidéo aventure du fameux disque Musique pour garçons et filles. On se quitte donc avec la musique de Dominique Grimaud et ses différents potes à la fin des années 70. Vous êtes une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Bye. Beep.